3. Malgré l'âge si avancé de leurs supérieurs, les moines du mont ressentirent sa perte très profondément et restèrent 13 mois sans procéder à une élection nouvelle. Peut-être était-ce aussi frayeur du vieux roi Henri devant qui tout tremblait. Enfin pressé par les dilapidations des seigneurs voisins qui profitaient toujours des interrègnes pour mal faire, ils se réunirent et nommèrent l'un d'entre eux, Martin. Le disque de sa sépulture, découverte aussi en 1875, l'appelle Martin de Formendeio. Les manuscrits disent de lui peu de choses, mais ce peu de choses est bon. L'abbé Desroches rapporte à propos de lui ce fait curieux que Raoul de Fougère devait venir au mont. C'était un très grand seigneur, sonner le premier coup de vêpres et de matines le jour de Saint-Michel, et passer ensuite la corde au servant de l'abbaye, auquel il donnait un tonneau de vin. Le sire de Masset était tenu de l'éveiller pour matine et de le conduire au monastère avec une lanterne. Ces coutumes féodales, qui se présentent à nous comme des énigmes, souvent bizarres, ont presque toujours de graves origines. Ce sont la plupart du temps des commémorations et quelquefois des expiations qui racontent encore, après des siècles, une histoire funeste, héroïque ou touchante. À Martin succéda un autre moine du mont, Jourdain, 12 mars 1191, dont l'œuvre fut des plus considérables et dont la vie semble se poser en problème historique. Les grands chroniqueurs de Saint-Michel, dont Huyn et dont le roi, le traitent on ne peut plus favorablement. Des écrivains plus modernes célèbrent non seulement ses talents, qui ne sont pas douteux, mais encore ses vertus. À cet égard, nous allons entendre une voix inconnue, mais sonore, protester avec une singulière violence. Le Gallia Christiana, qui aurait pu éclairer le différent, se borne à rapporter les actes de Jourdain sans commentaire et semble avoir ignoré les accusations graves auxquelles nous faisons allusion, quoiqu'elles émanent des religieux mêmes de l'abbaye et qu'elles se trouvent reproduites en un manuscrit montois ou dont Bessin les copia pour les publier dans les Concilia Provinciae Normanae. Ces accusations furent portées jusqu'au trône du souverain pontife, qui était alors Innocent III. Voici ce que les moines, ou tout au moins certains moines du mont Saint-Michel, reprochaient à leur abbé. Ils l'accusaient de ne prendre jamais conseil de ses frères, de trouver insuffisante pour lui la moitié des revenus du monastère, de faire son habituelle société de personnes irréligieuses, de ne point corriger les gens malhonnêtes pillant les biens de la communauté, de ne point assister aux exercices religieux ni à l'office divin, d'avoir vendu chapes précieuses, manuscrits, ornements, croix et calices, d'avoir détruit les bois, d'avoir anéanti les ressources du prieur, du chantre, du sacristain, de l'infirmier, de l'aumônier. Et l'accusateur ajoutait « Le pain manque aux frères de notre congrégation ». Cependant, Jourdain eut une longue prélature et fut maintenu en la possession de son siège abbatial jusqu'à sa mort. Son œuvre d'abbé constructeur fut considérable, la plus grande peut-être après celle d'Hildebert, et il faut chercher sans doute dans les sacrifices trop lourds imposés à la communauté par l'importance même de cette œuvre l'origine principale des mécontentements qui se traduisirent par la calomnie. On a le droit de prononcer ce mot puisque Jourdain fut maintenu en possession de la crosse, ce qui nécessairement implique une décision du souverain pontife en sa faveur. Nous allons dire pourtant une autre cause de la haine qu'il pouvait inspirer à quelques religieux. L'astre de la race anglo-normande se couchait dans un nuage tout noir de hontes et de crimes. Saint-Michel ne voulait plus de ses gardiens tant de fois déshonorés. Il fallait que son sanctuaire français revînt à la France. Il y avait deux parties dans le convent, les amis de la France qui venaient et ceux de l'Angleterre qui s'en allaient, emportant avec elles les prieurés d'outre-Manche et leurs très opulents revenus. Je ne sais si quelqu'un a déjà considéré les choses à ce point de vue, mais c'est le vrai en ce qui concerne la lutte de certains moines contre Jourdain, qui tint la crosse à cette époque où notre gloire nationale, si longtemps assombrie, reprend soudain tous ses rayons. Henri II était mort misérablement à Chinon, en 1189. Il avait coutume de jurer par les yeux de Dieu. Dieu le vit. Richard Cœur de Lion, après lui avait passé éclatant mais turbulent comme une lueur de tempête, et Jean sans terre était venu dernier et plus bas terme de cette étonnante décadence où les successeurs du conquérant se laissaient fatalement précipiter. « Mal, soit mon bien !» dit en parlant d'eux Michelet, qui se souvenait de Milton. Ils étaient abandonnés de Dieu, ils étaient prêts de renier Dieu, et se ruaient déjà vers l'abîme suprême où l'apostasie d'Henri Tudor devait plus tard les pousser. Mais par-dessus ces belles campagnes de Normandie, esclaves de la race condamnée, le regard de Saint-Michel-Archange se tournait vers la patrie adoptée, la France, et là il voyait l'homme des jours nouveaux, Philippe Auguste, destiné à délivrer la basilique captive en rendant à la couronne de Charlemagne ses joyaux les plus précieux, 7 provinces opulentes et illustres. En avril 1203, Jean sans terre, que M. Guizot trop clément appelle un prince poltron et insolent, fourbe et étourdi, colleur, débauché, paresseux, assassina de sa propre main Arthur de Bretagne, son neveu, fils de Geoffroy et de Constance. Jean jurait par les dents de Dieu, Dieu le mordit. Philippe Auguste, dont le règne ne fut pas sans reproche, mais qui avait en lui déjà cette grande pensée de rétablir à tout prix l'unité française, saisit l'occasion avec une habileté qui était en même temps de la justice. La victime et l'assassin étaient pareillement ses vassaux, l'un comme duc de Bretagne, l'autre comme duc de Normandie. Il appela Jean sans terre devant la cour des barons pour y rendre compte de sa conduite. L'assassin, bien entendu, fit défaut, et la cour ayant déclaré forfaite ses terres de France, Vexin, Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Auvergne, la guerre commença aussitôt. Philippe Auguste y eut pour allié Guy de Thouars, beau-père d'Arthur, qui régissait alors le duché de Bretagne, et qui entra en campagne avec une animosité peut-être concevable, mais dont les suites devaient être funestes. Deux écrivains contemporains nous ont laissé le récit du grand incendie du Mont Saint-Michel allumé par les Bretons. Nous venons de citer le premier Guillaume d'Armoric. L'autre, dont l'œuvre est un poème intitulé « La Philippéide », avait nom Guillaume le Breton d'Armoric. Et cette presque similitude de nom les fait souvent prendre l'un pour l'autre. Nous traduisons celui qui a écrit en prose et nous l'abrégeons. L'an de l'incarnation, etc. 1203. Philippe le magnanime, aussitôt après l'octave de Pâques, entra en Austrie avec une grande multitude de soldats et vint jusqu'au château nommé Falaise. Cependant, Guy de Thouars pénétrait aussi en Normandie par la frontière du Bas, à la tête de 400 chevaliers et d'une armée immense de Bretons pour mettre le siège devant la montagne du bienheureux Saint-Michel qu'on estimait inexpugnable. En ces parages, le flot croît ou décroît plus ou moins selon les quartiers de la lune, on était alors au 7e jour du 3e quartier, la Morte-Haut, et pendant 4 jours entiers, la plus grande partie du littoral vers la côte de l'Occident resta à sec jusqu'à l'entrée de la ville. Les Bretons, qui connaissaient bien les marais, profitèrent de ce temps pour assiéger le mont, brisèrent la seule porte par où l'on accéda à la ville et mirent le feu aux maisons. La flamme, s'élevant en haut, d'après sa nature, consuma logis des habitants, forteresses, officines des moines et jusqu'à l'église. On remarquera que le mont Saint-Michel fut incendié, mais non pas pris. Les Bretons se jetèrent en effet sur Avranches, qu'ils saccagèrent, vengeant ainsi sur des innocents le lâche crime du roi anglais. À la nouvelle de ce grand désastre, le roi de France, qui était à Caen, ressentit un profond chagrin. L'auteur de la Philippéide s'écrit « Compatitur prius ecclesiae rerum cue ruinis ». Et la douleur de Philippe Auguste ne fut pas inféconde. Avec lui commence véritablement le rôle de nos rois vis-à-vis du Mont Saint-Michel, rapatrié et redevenu français. Philippe ouvrit la main largement et aida les moines à renouveler la beauté du sanctuaire. Largi fluaque manu monacos, iuvat in renovando. Un manuscrit de la Bibliothèque nationale dit à ce propos, au temps de Jourdain, l'église fut brûlée par les Bretons et lui-même la réédifia, toiture, tour et réfectoire, avec les libéralités de Philippe, roi des Francs. Don Huyn et Don le Roi se bornent à dire que les deniers royaux servirent à remettre les édifices brûlés en état, mais il est des choses qu'il faut regarder à distance pour en bien mesurer la grandeur. Ce nom maintenant si populaire de l'œuvre accomplie par Jourdain fut lent à venir. C'est, croyons-nous, le père Feuardent qui a caractérisé le premier et baptisé l'usage auquel furent employées les largesses de Philippe Auguste, dont la royale aumône paya la construction de la merveille. « C'est une muraille, dit M. V. Jacques, d'une hardiesse étonnante, 65 mètres de long, d'un essor prodigieux, 33 mètres de haut, appuyée par 15 contreforts, dont l'art cache si bien les combinaisons savantes qu'un enlacement de lignes calculées pour la solidité de l'édifice se transforme en ornement véritable. L'œil s'emplit de vertige à regarder ces fauves assises qui montent jusqu'aux nues, avec leur végétation de mousse, de lichens, d'arbustes épineux, d'œillets purpurins, et où les tiercelets, quelquefois même l'aigle marin, trompés par la hauteur et la solitude, ne craignent pas d'établir leur nid. C'est cela, sauf ces terribles chiffres en mètres, qui rapetissent tout. C'est cela, mais c'est bien plus encore que cela. C'est le niveau même du monastère, élevé à la hauteur qu'il faut pour être digne de porter la gloire de l'archange. Et c'est l'austère parure assez grande, assez pure aussi, pour avoir mérité cet incomparable honneur d'être l'ex-voto royal suspendu par la France au flanc du palais de Saint-Michel. Plusieurs abbés sont désignés par les auteurs comme ayant été les architectes de cette œuvre splendide. Il y a doute. On a nommé Ranulf, Robert II et d'autres. Sans avoir la prétention de trancher le différend, je vais dire les motifs qui me portent, après le père Feuardent, ce vieux familier du Mont, à mettre au compte de Jourdain, le calomnier, la construction de la merveille. C'est d'abord la calomnie même qui toujours dénonce une valeur cachée. C'est ensuite la qualité des griefs portés contre Jourdain jusque en cour de Rome par ses persécuteurs anonymes, griefs qui dénoncent chez cet abbé un si implacable besoin d'argent. Les religieux manquaient de pain. Et qui, d'autre part, n'étant sanctionné par aucun châtiment connu, donnent à penser que ce passionné besoin d'épargne s'appliquait à un but louable. Faut-il ajouter que la pensée de la France est pour beaucoup dans mon choix, et qu'il m'est précieux de croire que ce colossal bijou de granit fut le cadeau de Philippe Auguste, reprenant possession de la France de l'Ouest, le don du joyeux avènement national? Quelle portion en fut construite au temps même de Jourdain? Sans doute, comme Hildebin, il conçut, commença et n'acheva pas. Monsieur Corroyer, jugeant avec sa science et son expérience, croit que le plan d'ensemble du monastère nouveau fut complètement arrêté et, malgré les difficultés d'un travail presque aérien, le calomnier ne s'arrêta jamais. Quand il mourut, 1212, les travaux devaient avoir dépassé le premier étage. Les celliers ou Montgomery existaient, ainsi que la salle dite des aumônes et peut-être même partie du vaisseau qu'on appelle salle des chevaliers. Avec la prélature de Raoul des Îles, successeur de Jourdain, les prétentions des évêques d'Avranches, nouvelle forme de l'empiètement séculier, apparaissent. L'évêque d'alors, Guillaume d'Auteuillet, mit en avant son prétendu droit de présider à l'élection, chose tout intérieure et de sa nature même indépendante. À cet égard, les bulles des souverains pontifes étaient formelles, et Guillaume d'Auteuillet fut évincé, mais le premier pas était fait. Raoul des Îles eut un règne pieux et profitable. L'abbaye avait besoin de toutes ses ressources après l'effort héroïque de Jourdain et les pertes si considérables subies en conséquence des derniers conflits politiques, car il va sans dire que Jean Santerre, chassé du Mont, avait séquestré ou confisqué la totalité des biens de Saint-Michel en ces états anglais. Ces biens avaient une valeur incalculable. Heureusement que les seigneurs de France, à l'exemple de leur roi, tinrent à l'honneur de récompenser l'abbaye dont le patriotisme, foulant aux pieds son intérêt, avait renoncé à des domaines qui auraient suffi à former plusieurs apanages de princes. La France faisait bien d'honorer et de dorer la montagne sur laquelle le Labarum flottait, car la cloche de Saint-Michel, redevenue française, allait sonner une de ces heures de grande gloire qui étonnent et conjurent si souvent nos plus extrêmes périls. La fille aînée de l'Église est habituée au secours des miracles, et tant qu'elle a une voix pour bénir le nom de Dieu, il ne lui est pas permis de désespérer. Crions vers Dieu, et que l'espoir soit au plein de nos âmes. Tout assassin persécute l'Église, c'est dans l'ordre. L'assassin Jean Santerre avait persécuté l'Église avec une telle impudeur que le pape Innocent III le frappa, enfin, d'excommunication. Philippe Auguste se souvint alors qu'il était le champion du Saint-Siège et prit les armes. Dans sa panique, Jean Plantagenet non seulement fit soumission au pape, mais poussa l'hypocrisie jusqu'à offrir son royaume aux apôtres Pierre et Paul, à Innocent et à ses successeurs. En même temps, il formait secrètement contre Philippe une ligue composée du comte de Flandre, de l'empereur Othon IV et de plusieurs princes du Nord, mécontents de voir l'autorité royale s'asseoir chez nous et y grandir. À son tour, le trône de France chancela. Mais Saint-Michel restauré se souvint de Clovis et de Charlemagne. La bataille de Bouvines consterna l'Europe ennemie, et Philippe Auguste est grand dans l'histoire, presque malgré lui-même, parce qu'il fut docile un jour et se fit l'ouvrier du dessein de Dieu. Raoul construisit en 1217, selon Don le Roi, la magnifique salle de la Merveille, connue sous le nom du Réfectoire. Le Gallia Christiana lui attribue également les murs du cloître. Frappé de paralysie en 1219, il fut remplacé par Thomas des Chambres, excellent abbé dont on parle peu, auquel succéda Raoul de Villedieu, qui eut l'honneur insigne d'achever la Merveille. Sous ce gouvernement prospère d'ailleurs la querelle commencée entre Guillaume d'Autayer et le monastère, ou pour parler plus exactement, entre le clergé séculier et les réguliers, eut sa solution qui ne fut pas favorable aux moines. L'archidiacre fait observer Don le Roi, esprit très gaulois, ayant ce que son évêque avait obtenu 30, crut à tout le moins pouvoir obtenir quinte. Il ne se trompa point. Raoul, qui était homme paisible, passa à corps avec le dit archidiacre, et ainsi commencèrent à dépérir, dit encore Don le Roi, ces beaux privilèges du fameux monastère du Mont Saint-Michel, concédés autrefois par la piété des Aubert et des Norgaudes. À ces saints noms, il faudrait ajouter, il est vrai, le nom beaucoup moins vénérable d'Henri II. En 1236, Guillaume d'Autayer obtint définitivement la faculté de juridiction ordinaire et perpétuelle sur la communauté, et dont le roi constate qu'il y fit désormais la visite non plus comme ami, mais comme maître. Cette même année 1236, Raoul de Villedieu mourut comme il venait de mettre la dernière main à l'ornementation du cloître, ce digne et délicieux couronnement de la Merveille dont nous allons maintenant détailler les parties intérieures. 4. La Merveille, appendice monumental et de la plus rare beauté, mais simple appendice, est à 3 étages et n'a que 2 pièces à chaque étage. Cela fait 6 pièces en tout, dont 3 au moins, ont des destinations très contestées malgré leur splendeur, de telle sorte qu'une opinion à la fois singulière et assez vraisemblable, en ce lieu où tout espace doit être créé, a pu se faire jour. On a dit que cet immense travail avait été entrepris pour créer une aire où put s'étendre le cloître qui en est la très précieuse couronne. À l'étage inférieur se trouvent les celliers et la vaste salle des aumônes qui occupe la partie orientale. Dans la prochaine division de notre récit, les sièges, nous verrons pour quel dramatique motif l'ensemble de ces 2 pièces a reçu le nom de Montgomery. Je crois que c'est Dom Mabillon qui a fait usage pour la première fois de cette désignation « salle des aumônes ». Ce savant homme vivait loin du Mont-Saint-Michel. Les écrivains de l'abbaye même affirment que cette pièce ne renfermait rien. Voici quel en est l'état actuel. 2 fenêtres. En partie mutilés, l'éclairent à l'Orient. Jadis, il y en avait 6 au Nord, mais du temps de la maison centrale, on en a transformé la moitié pour des usages pratiques. La pièce est double. Les voûtes d'arêtes portent au milieu sur des colonnes cylindriques avec bases et chapiteaux carrés dont l'ornement se compose d'une simple moulure. Des consoles, imitant les chapiteaux, appuient les retombées autour des murailles. On y fondit des cloches en 1633 et en 1711. Monsieur Corroyer y a découvert un fourneau et quelques morceaux d'une coulée de métal. Les celliers proprement dits forment une pièce moins longue mais plus large, à trois galeries. Les voûtes d'arêtes reposent sur des piliers carrés. La galerie centrale est fort vaste, celle du septentrion diffère de celle du midi, en ce que les arcs, au lieu de se noyer dans la muraille, sont appuyés par des contreforts qui pénètrent dans la salle afin de soutenir les autres étages dont la poussée devait se produire au nord. Les fenêtres du cellier ont subi des mutilations. La cinquième, vers le couchant, offre une disposition particulière. Là se trouvait l'appareil des poulains, dont la corde longue de 80 brasses montait les choses nécessaires à la vie des religieux comme à la défense de la place. M. Corroyer a vu dans les poulains une simple roue destinée à monter l'eau provenant de la fontaine de Saint-Aubert, mais les documents anciens parlent d'une tour élevée au bas du rocher et destinée à défendre l'endroit du guindage. En outre, le récit contemporain de la tentative huguenote du sieur de Sourdeval, dont il sera parlé plus loin, indique clairement la roue et les cordages comme servant d'ordinaire pour monter les grosses provisions que les moines renfermaient dans ce cellier. En temps de guerre, les poulains offraient un moyen de ravitaillement. Les pièces du second étage s'appellent le réfectoire des moines et la salle des chevaliers. Elles sont particulièrement célèbres. Sans nous inscrire en faux solennellement contre ces dénominations qu'on leur a prêtées, nous remarquerons que pas un seul auteur du Mont ne donne ce réfectoire dit des moines comme ayant servi de salle à manger avant l'introduction à l'abbaye des religieux de la congrégation de Saint-Maur, c'est-à-dire quand il y avait déjà plusieurs centaines d'années que la merveille était construite. Tous disent au contraire que cette salle, très bien désignée comme étant au-dessus des aumônes, restait sans emploi, sauf pourtant Don le Roi, qui affirme qu'elle servait d'atelier aux plombeurs et qui raconte que quand on en fit au XVIIe siècle le réfectoire de la congrégation de Saint-Maur, on fut obligé de crever une voûte pour pratiquer un escalier. M. Véjac, qui suit toujours son idée d'un plan de lieu régulier, le mot « plan » exprimant ici la nécessité du plein pied, place l'ancien réfectoire des moines à l'étage supérieur et au lieu où se trouve ce qu'on nomme le dortoir, lequel est en effet de plein pied avec le cloître, avec l'église et avec tous les logis claustraux. Cette idée me semble logique, et c'est pour cela que j'indique la source où je l'ai puisée. Mais mon livre n'a pas à s'en occuper autrement, l'habile architecte chargé des restaurations de l'abbaye n'a aucun besoin de mes conseils pour mener à bien son œuvre. Cela dit, admirons sans réserve cette belle salle du deuxième étage, mal appelée le réfectoire, et qui ne le cède qu'à son illustre voisine, la salle des chevaliers. Que doivent penser, quand ils sont forcés de contempler ces grandeurs, les gens qui nous bâtissent nos choses d'aujourd'hui? Ce n'est pas moi qui nierai leur talent, mais le talent ne suffit pas, il faut une pensée. Quelle pensée ont-ils? J'en sais qui sont chargés de garder les autels de Dieu et qui ne croient pas en Dieu. Ici, dans notre réfectoire magnifique, il n'y a que le nom qui ne soit pas sincère. Tout le reste y est vrai, sain, et un robuste souffle y circule. Neuf grandes fenêtres l'éclairent, hautes, étroites et barrées de meneaux. Les voûtes sont portées sur des colonnes sveltes formant une seule ligne. De leurs chapiteaux en fleurs s'élancent les courbes des nervures qui vont chercher trois à trois l'appui des pilastres pris dans les murs latéraux. Il n'y a que cela, c'est d'un effet superbe. À l'aspect de l'autre salle du second étage, dite des chevaliers, M. Oscar Havard poussait ce cri d'admiration « C'est le plus beau vaisseau gothique qui existe au monde ». Mais laissons encore parler M. Jacques et son exacte mesure. C'est, dit-il, une salle de près de 80 pieds de long sur 60 de large. Trois rangs de colonnes à chapiteaux, ornées de trèfles, de feuilles d'artichaut, de palmettes, d'acanthes, traitées avec un goût parfait, soutiennent ces voûtes de largeur inégale dont les arceaux présentent à leur intersection des roses curieusement fouillées, douces croisées jumelées, arrondies ou complètement circulaires, occupent le côté septentrional, tandis que des portes basses à cintres conduisent à une double galerie discrète, quoique éclairée par 20 fenêtres à fines arcatures trilobées. Deux vastes cheminées à manteau pyramidal occupent le pan nord près de la galerie. Il est impossible de ne pas regarder ce très noble vaisseau comme ayant été destiné à tenir des assises solennelles. Il n'est pas du tout isolé, comme la salle voisine, dite le réfectoire des moines. Il communique au contraire avec l'ancien cloître ou promenoir et par suite avec les lieux réguliers. Il touche au chartrier. Monsieur Viollet-le-Duc dit que c'était probablement au XIIIe siècle le dortoir de la garnison. Mais il n'y eut que plus tard au Mont une garnison proprement dite, et nous indiquerons en temps ses logis. D'un autre côté, si ces voûtes superbes ont abrité, comme on l'a répété si souvent, les assemblées de l'ordre de Saint-Michel, instituées par Louis XI, ce ne peut être que par occasion, une fois, deux fois peut-être, en 1469 et 72, puisque dès 1476 et statutairement, les chevaliers tinrent leurs assemblées à Paris, dans l'enclos du palais. Il faut donc juger comme fantaisiste, au premier degré, la description de l'aimable écrivain qui a composé les souvenirs de Madame de Créqui, quand il voit la pompe féodale de notre vieille France réfugiée dans cette galerie. Nous ne demandons pas mieux qu'on y mette des écussons et des armures, cela fait bien partout, mais il n'y en avait point du temps de Don Thomas le Roi et de Don Huyn qui font toujours foi pour quiconque veut le vrai. La salle des chevaliers était digne de ce nom, seulement elle ne l'eut pas. Les grands annalistes du Mont Saint-Michel l'appellent tout unimement la salle des piliers. Monsieur V. Jacques y place le scriptorium de l'abbaye et y voit ces longues tables où les moines peignirent tant de parchemins admirables, orgueil de nos bibliothèques. Monsieur l'abbé Pigeon, serrant de plus près le problème, y met les assemblées générales des prieurs. Au jour de puissance, alors que des deux côtés de la mer un si grand nombre de prieurés étaient placés sous la crosse de Saint-Michel, la réunion de ces hauts dignitaires et des professes du couvent pouvait assurément remplir la magnifique étendue de cette salle. Reste l'étage supérieur pour le support duquel toute la merveille fut construite, puisque sa construction élevait le vrai réfectoire des moines et le cloître au plan de la basilique et des lieux réguliers. Ce réfectoire est ce qui s'appelle aujourd'hui le dortoir. Le lecteur doit se fatiguer de ce jeu de raquettes qui renvoie les noms comme des volants, mais ici nous n'avons plus à discuter, nous savons positivement par Don Huyn et par Don le Roi que la congrégation de Saint-Maur opéra ce changement au XVIIe siècle. Don Huyn dit « Pierre Béraud fit faire dans le réfectoire les deux dortoirs qu'on y voit, et dont le roi, les dortoirs haut et bas, furent construits, 1629, dans le lieu qui servait de réfectoire à messieurs les anciens. Et pour que la topographie soit bien précise, le même dont le roi ajoute ailleurs, ce grand ancien réfectoire estoie au plus haut endroit. La cause est cette fois jugée. Je ne demande pas qu'on corrige ces malheureuses erreurs de nom qui sont tombées en usage, mais il est bon que ceux qui tiennent à savoir sachent. Le réfectoire ainsi nommé n'a jamais été réfectoire, et messieurs les anciens, les moines avant 1629, prenaient leur repas dans ce qui est nommé le dortoir. Ce dortoir où l'on mangeait, mais où l'on ne couchait pas, est une salle très vaste. Qu'éclairent au nord et au midi de petites fenêtres longues couronnées en nids d'abeilles. À l'est, deux larges croisées donnaient la lumière abondamment. Au sud, une sorte de galerie désigne très bien l'emplacement de l'analogium ou chaire du lecteur. Les bénédictins de Saint-Maur, qui venaient remplacer messieurs les anciens, étaient de leur siècle, c'est-à-dire fanatiques du grec et du romain. À l'exemple de Fénelon, ils méprisaient l'art gothique. En faisant du réfectoire leur dortoir double, ils y prodiguèrent plus de mutilations que les prisonniers du temps moderne eux-mêmes, sur le compte de qui toutes les mutilations sont mises. Mais nous voici à la merveille de la merveille, au cloître qui, Dieu merci, n'a été ni débaptisé, ni métamorphosé. Il porte sur la salle dite des chevaliers et paraît plus large qu'elle parce qu'il mord sur l'épaisseur du revêtement. Ici, ce qui domine, c'est l'élégance riante et charmante. Comme le dit M. Le Hérichet, les Montgomery sont les racines de la merveille, les deux salles du deuxième étage en sont le tronc, le cloître en est la fleur. Le promenoir, déambulatorium, se compose d'une triple rangée de colonnettes régnantes sur lesquelles s'appuyaient, selon Don le Roi, de gracieuses arcatures supportant une terrasse plombée. Ces arcatures sont une des premières choses qui sont rétablies. La colonnade, appuyée contre les murs, est en granit de l'île de Chauzet. Les arcades n'y sont séparées les unes des autres que par un simple trèfle évidé, mais les colonnettes qui entourent le promenoir, alternées à l'œil par suite d'un léger et très heureux défaut de symétrie, offrent une riche variété de matières, stuc, calcaire et granitelle. Des rosaces, d'une exquise fantaisie, s'épanouissent sous la frise brodée à jour qui règne au-dessus des ogives. Quelques colonnes manquent. M. E. Corroyer a eu, dit-on, le très habile bonheur de retrouver à la bourgade de la Luzerne la carrière même d'où furent extraits ces fûts délicieux et pourra remplir les vides. Je ne puis résister au plaisir de citer quelques lignes de la description si technique et à la fois si pittoresque de M. de Montaiglon. Les colonnettes, dit-il, forment deux rangs distincts et sont plantées en herse, simplement pour n'avoir pas de massif dans les angles. Elles partent du coin des deux carrés, dont la dimension est différente, puisque le premier est renfermé dans le second. Chaque colonnette du plus grand carré se trouve coupée par le milieu, l'arcade du moins grand. Rien de plus charmant que ce chevauchement en diagonale qui fait que les fûts forment une série de trépieds et les voûtes du couloir intérieur une suite de triangles. Les visiteurs du Mont-Saint-Michel remarquent souvent que la figure y fait généralement défaut dans l'ornementation. Ici, sans parler des rosaces dont les motifs, variés à l'infini, sont rendus avec un art qui étonne, à ce point qu'il faudrait des jours entiers pour en admirer les exubérants détails, on trouve quelques sujets. Ainsi, un Christ en croix fait face au réfectoire dortoir et a pour pendant un homme enveloppé de fleurs et de fruits. La colonnade du nord nous montre l'agneau de Dieu sous un édicule à tourelles. Dans la galerie du sud paraît un groupe malheureusement très mutilé où l'on distingue encore deux personnages qui semblent debout pendant qu'un autre, assis au milieu d'eux, porte la cucule monastique. Autour des têtes, on lit en capitale gothique Mag Rog, Das Garin, Mag Johann, c'est-à-dire Maître Roger, Dan ou Don Guérin, Maître Jean. La galerie de l'ouest était naguère la plus riche. On y remarquait une curieuse représentation de Saint François d'Assise, avec cette inscription en latin « Saint François fut canonisé l'an du Seigneur 1628 », en laquelle la construction de ce cloître fut achevée. Le dessin de cette statue se trouve à la Bibliothèque nationale. Vers l'église, on reconnaît encore un saint Benoît à la tête nimbée, tandis qu'au nord, une image du Sauveur du monde, assis sur une exédra, donne la bénédiction entre deux anges qui tiennent un phylactère. À côté, nous reconnaissons le bienheureux évêque d'Avranches, Aubert, le fond ceint d'une auréole, puis quatre têtes couronnées. Ainsi était le cloître, fleur de l'arbre claustral épanoui comme un sourire, au milieu de ces lieux réguliers dont nous avons tant parlé, l'église, le chapitre, le réfectoire et le dortoir, où le moine vit, prie et meurt, pendant que la cloche, voix d'en haut, parlant au-dessus du tabernacle, mesure sa tâche et sonne les instants qui le mènent en paix à sa dernière heure. Cette cloche, dit la naïve poésie de Don Huyn, appelait sur les pieux voyageurs égarés dans les sables mouvants, le regard de la souveraine clémence éteintait, toi qui commandes à ces flux et reflux, fais qu'aucun mal ne les grève, et défend tout pèlerin en chemin quand il passera la grève. Tandis que le religieux lui-même, le moine, les mains jointes sur sa poitrine, entre les immensités du ciel et de la mer, poursuivait sa méditation sans fin et soufflait vers Jésus ce baiser de son ardente foi, « Je chanterai du Seigneur la grandeur, en la présence des anges, son saint nom je bénirai et dirai toujours ses saintes louanges. »